tardes. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2020. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux à vous et à vos proches, donc plein de bonnes choses, aussi bien personnellement que professionnellement, et aussi plein de bonne musique, bien évidemment, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Electric Shock pour cette nouvelle année? Bien sûr, comme je viens de vous le dire à l'instant, plein de bonne musique, plein de concerts, plein d'interviews, enfin, plein de bonnes choses. Et puis, je pense que 2020 sera une bonne année, il n'y a pas de raison, puisque 2019 a été un bon cru, d'ailleurs. D'ailleurs, pour l'instant, depuis que Electric Shock existe, il n'y a pas eu de mauvais cru, ça, c'est clair. Donc, ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Non, on ne va pas vous faire un best-of, hein, ça, je vous le dis tous les ans. Beaucoup, on m'a déjà demandé plusieurs fois pourquoi je ne faisais pas de best-of, je vous faire la même réponse à chaque fois, c'est que tout simplement, un best-of, c'est tellement subjectif que, bon, chacun a le sien dans sa tête et que, bon, voilà. J'y ai pensé plusieurs fois, je me souviens que d'ailleurs les premières années je le faisais, et puis en fin de compte, je me dis que si je voulais faire un best-of à peu près digne d'intérêt, enfin, voilà, pour moi il faudrait au moins 3 émissions, donc non, on peut pas se le permettre, l'actualité est toujours assez dense quand même, donc le best-of, chacun se le fait dans sa tête. Donc ce soir, eh bien, vous aurez des nouveautés, comme c'est la première de l'année, j'ai décidé de vous gâter quand même, puisque vous en aurez quand même 6. On va commencer quand même très fort. Donc dans tous les styles, dans les genres et tous les sous-genres qui composent notre style musical préféré, bien sûr. Eh bien, on va commencer tout de suite avec un morceau qui va nous filer une bonne patate pour bien commencer l'année. On va revenir au live de Halloween United Alive in Madrid. Et on va s'envoyer le morceau inédit Pumpkins United, qui avait été enregistré juste pour la tournée Pumpkins United, comme son nom l'indique, histoire de montrer aux gens ce que pouvait donner le nouveau line-up de Halloween, voilà. Et ce morceau a été joué à pas mal d'occasions, mais pas à Paris, par exemple. Donc, on se l'envoie tout de suite, maintenant. it out, let them know you're alive in the dark. United we are. Idéal pour commencer, n'est-ce pas? C'était donc le Pumpkins United, morceau qui figure sur le live United Alive in Madrid, sorti début novembre, voilà, pour petit témoignage de la tournée de 2017. Et d'ailleurs, Helloween, normalement, devrait sortir un album avec cette nouvelle formation d'ici l'automne prochain, et je crois qu'ils sont attendus en concert en tournée européenne au mois d'octobre, donc un peu de patience pour avoir du nouveau d'Helloween. En attendant, avec ce triple CD et le DVD qui est sorti en même temps, bah, y a de quoi patienter. Et bien, première nouveauté, mais on va rester toujours en live avec un groupe culte de chez culte. On va se faire un petit extrait du premier CD DVD live de Cirrus Ungol. Alors, Cirrus Ungol, c'est ce qu'on appelle un groupe culte, c'est-à-dire un groupe dont tout le monde a entendu parler mais qui n'a jamais rien vendu de son vivant. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas le groupe, tellement c'est un groupe qui existe, qui s'est formé en 1972, ouais, quand même, excusez du peu, qui a sorti 4 albums, dont le premier en 81 et le dernier en 91, et après, qui ont splitté parce que bon, bah, voilà, je pense qu'ils étaient un petit peu dégoûtés de voir que tous leurs efforts n'avançaient pas grand chose. Et, je sais pas si c'est de la nostalgie ou quoi que ce soit, toujours est-il qu'ils étaient fortement réclamés. Du coup, ils se sont reformés en 2015 et depuis, ils tournent un petit peu partout. Et en 2017, ils ont fait pour la première fois une tournée européenne. Et ben, leur label Metal Blade en a profité donc pour enregistrer quelques concerts. Donc, sur ce double CD, double DVD plein à ras la gueule, qui s'appelle I'm Alive, figure donc un concert enregistré au festival Up the Hammers à Athènes au mois de mai 2017. Un autre enregistré en Allemagne au Hammer of Doom au mois de novembre de cette même année. Donc, figure sur le DVD. Et sur le deuxième DVD figure donc un petit documentaire parlant de leur carrière. Et un autre concert un peu plus récent enregistré au Rockhard Festival en 2018. Donc, on a également le pendant audio qui contient donc le concert du Up the Hammers et puis des petits extraits donc du festival Hammer of Doom. Donc voilà un truc très très roboratif, il n'y a pas à dire, qui est plein à craquer. Donc, si vous ne connaissez pas Cirrus Ungol, c'est un mélange de heavy metal, doom metal. Ils font penser un petit peu à Manilla Road. Bah, il y a d'ailleurs Manilla Road, on s'en passera tout à l'heure. Un petit peu le même destin quand même, malgré tout. Donc, extrait de ce CD-DVD I'm Alive, sorti fin octobre, mais que je me suis procuré il n'y a pas tellement longtemps. Bah, c'est le morceau qui donne d'ailleurs son titre à l'album I'm Alive.

Join the Legion et I'm Alive, extrait donc du pack CD-DVD du même nom, I'm Alive, de Cyrus and Gold. Voilà, donc c'est la première nouveauté de la soirée. Et puis tiens, là, comme je viens d'avoir l'info toute chaude, toute bouillante, une petite annonce, c'est, j'ai eu l'ami Chris des Iron Troopers et aussi guitariste du groupe Prisma maintenant qu'il faut dire, le groupe a changé de nom. Le groupe bah justement a subi quelques changements de line-up et il recherche une chanteuse. Alors s'il y a quelqu'un qui se sent une fille, une auditrice qui aurait envie de chanter dans le groupe de l'ami Christophe, c'est du hard FM années 80 très péchu. Eh bien voilà, ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, ben n'hésitez pas à m'appeler pendant l'émission, je transmettrai à qui de droit. Voilà. Je vous rappelle le numéro d'ailleurs, 02 38 43 48 00. Et bah tiens, on va revenir à ce qui était une des nouveautés lors de la dernière émission, c'est-à-dire c'était le 17 décembre dernier. On va revenir au français Hell Override, leur deuxième album Nine of Cups, et on va s'envoyer un petit morceau qui s'appelle NGUNS, Never Give Up, Never Surrender. Ça pourrait être une bonne devise, ça. Now Vraiment très intéressant ce premier EP du groupe Lest Addiction, c'était Everyday I Die, donc vraiment un groupe, à mon avis, avec du potentiel. Juste avant Lest Addiction, c'était Hell of a Ride et leur album Nine of Cups, et le morceau NGUNS, Never Give Up, Never Surrender. La suite, ah ça va être du méchant, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée, avec un... Dans la série « Comment faire du neuf avec du vieux », je voudrais Aggressor Loud Blast. Et oui, au mois de novembre, le label Disney Balls, bien connu des amateurs, a réédité le fameux split LP « Listens to Thrash » qui était sorti donc fin 87, qui regroupait donc à l'époque une face avec des morceaux d'Aggressor et une face Loud Blast. Donc pour la première fois, celui-ci a été réédité en CD. Et en plus de ça, avec des titres bonus en fait qui font... qu'on a le double de morceaux par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Donc évidemment, c'est les premiers roues de la bête, et Aggressor Loud Blast étaient vraiment les pionniers en ce qui concerne le métal extrême en France. Avant eux, il n'y avait personne qui avait fait ça. Et on va se faire un petit extrait donc du EP. Je vous ai choisi une version de Brainstorm de Aggressor, mais une version inédite, puisqu'il s'agit des versions bonus qui figurent, donc une démo qui doit dater de 86 ou des débuts 87. Alors le son n'a rien à voir avec les critères actuels, mais quand même, ça le fait quand même. Yeah. Not to die, but may your back, your swampy, but now they've got the same truth. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Bah là, on s'en est grillé quelques-uns avec les Fous Furieux de Red Sphere, groupe qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, et c'était un extrait de leur album Immortal Voids et ça s'appelle Pyre. Juste avant, bon, beaucoup plus ancien, même si c'est une nouveauté puisqu'il s'agit de la réédition du split LP de Aggressor, Lessons to Thrash, et c'était une des démos de Brainstorm. Et bien, pour calmer le jeu maintenant, on va revenir au CD live de Nightwish, Decades Live in Buenos Aires, extrait donc de la dernière tournée où Nightwish en a profité pour revisiter des morceaux qu'il n'a plus tellement l'habitude de jouer en concert, tels que, par exemple, ce Ilvenjig, qui n'est ni plus ni moins qu'un petit instrumental traditionnel finlandais que le groupe joue en concert. Music. Saturday, the great Elvin Smith falls to bring the power. Paf, et juste avant le petit instrumental Elvin Jig, donc deux extraits du live Decades Live in Buenos Aires de Nightwish. Et bien pour la suite, on va rester en live, mais là on va changer d'époque, et puis on va faire aussi, ça j'ai oublié de vous le dire en début d'émission, un hommage bien sûr à Lemmy de Motorhead, le légendaire bassiste, chanteur, qui a disparu donc le 28 décembre 2015, et oui, on n'a pas pu célébrer ça, puisque, faire un petit hommage, puisque la dernière émission a eu lieu le 17 décembre, donc mieux vaut tard que jamais. Et bien pour ça, on va revenir à la réédition de Overkill, qui est sortie fin octobre, et on va refaire un petit tour au concert de Aylesbury's Friars, donc sur le CD bonus, et on va se faire un morceau assez peu courant puisque il s'agit d'une reprise, mais une reprise d'un classique de la Motown, Living Here, qui figure ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce morceau figure sur le premier album, pas sur l'album éponyme Motorhead, mais sur le premier qui aurait dû sortir en 76, mais que la maison de disques United Artists n'avait pas voulu sortir à l'époque parce qu'ils n'avaient pas compris le concept. Et donc il y a une petite version du classique de la Motown, Living Here, donc là, qui a été joué en live. Tiens, pour la petite histoire aussi, On Parole était ressorti en 1979, parce que quand le groupe a commencé à avoir du succès, la maison de disques s'est dit, elle, de l'époque, ce serait dommage de pas capitaliser dessus. Et ouais, tout est bon, faire du pognon. Donc, cette version live, par contre, est des potes, croyez-moi, elle arrache. Seen it all in a dream last night. Suddenly the sound goes, it don't feel right. I'm leaving, leaving here. I'm leaving, leaving here. Hey, you fellas, better change your ways. I'm leaving this town in a matter of days. They all say that everything's so true. You better move around with someone new. Leaving, leaving here. I'm leaving, leaving here. Yeah, one by one, two by two, three by three, and four by four. We'll be right back. is a crying shame. One day, and it won't be long. But all them crying chicks have been gone. We'll be right back. Grand Slam, Grand Slam, un groupe éphémère que Phil Lynott avait créé après sa dissolution de Thin Lizzy en 1984. Et ça, c'est donc un hommage donc, à ce très grand monsieur qui est disparu le 4 janvier 1986. Et donc là, donc Grand Slam avec le morceau 19 que Phil Lynott enregistrera plus tard pour un single solo avec lequel il aura un petit peu de succès à la fin 1985. Ce sera son dernier enregistrement. Et donc cette version live a été enregistrée en 84 et figure sur un album qui s'appelle Twilight's Last Gleaming, qui est donc sorti en 2003, qui recoupe des enregistrements plus ou moins pirates, on va dire, de ce groupe éphémère qui aurait peut-être mérité un peu plus de succès. Voilà. Tiens, d'ailleurs, pour les amateurs, Grand Slam existe toujours, vient de se reformer. Disons que un des guitaristes de l'époque, Lawrence Archer, a relancé la machine en compagnie de Mark Stanway, ce nom vous dit quelque chose, parce que c'était le claviériste à l'époque, et Mark Stanway aussi a été pendant plus de 30 ans claviériste de Magnum. Et donc là, ils ont remis le couvert avec, sinon pour le reste, des nouveaux membres, bien évidemment, pour un album apparemment dans le même esprit. Voilà donc, à suivre. Juste avant Grand Slam, c'était en hommage à l'émi de Motorhead, c'était donc un petit extrait donc de la réédition d'Overkill, un extrait du CD Good and Loud Live at Aylesbury Fires 1979, CD bonus de la réédition donc d'Overkill, et c'était une reprise, donc un classique, un standard de la Motown, Living Here, hein, ça dépote hein, par Motorhead. Bon, maintenant on va changer de style avec la prochaine nouveauté, la troisième de la soirée. Et oui, c'est ça, Electric Shock, on voyage dans tous les styles. Alors là, on va faire quelque chose dans moderne quelque part, puisqu'on va se faire un peu de cyber metal avec le groupe Entropy Zero. Alors Entropy Zero, c'est un groupe qui nous vient d'Angers, qui a déjà sorti un EP. Là, ils viennent de sortir leur premier album, qui s'appelle Mind Machine A New Experience, puisque le premier EP s'appelait Mind Machine, donc pour me montrer que c'est la continuité. Alors on peut dire que pour un jeune groupe, déjà on sent que le sujet est très très bien maîtrisé. Alors musicalement par contre, là vous avez peut-être un petit peu grincé des dents les amateurs de métal pur et dur, parce que là on est à mi-chemin entre ce que faisait Trent Reznor de Nine Inch Nails et Giorgio Moroder, donc c'est plutôt des ambiances, ouais, il y a un côté un peu électro, enfin c'est particulier quand même, mais il y a de très bonnes choses malgré tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par contre, on ne peut pas reconnaître que c'est mal fait. Alors là, ce serait vraiment être de très mauvaise foi. Allez, on s'envoie ça? Bah ouais, on va terminer la première heure avec donc Brain Control Factory. We'll be right back. chères paroles des lèvres saintes, dis-je quand je revins à moi, chère énigme, t'ai-je bien comprise? Une fois encore, je me retournai vers la froide nuit des hommes. Alors je tressaillis et pleurai de joie à la pensée de ma félicité. Fond comme perle de cire à la chaleur de tes flammes. Depuis quand sont-ils privés de toi? Oh, depuis quand leur foule t'insulte-t-elle? Toi et tes dieux, les vivants, les bienheureux, taciturnes. Les hommes tombent de toi comme fruits pourris. Absorbe-les, ils reviennent à tes racines. I slept in a river, mother, and they drowned the dead man memories. Once there, they call me the sinner. Vous ne vous êtes pas trompé de station, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et c'est bien Electric Shock, l'émission métal, tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était le groupe Hypnose et son album A Distance Dark Source Part 2. Et on a eu le morceau Honor Bed of Soul Part 1. Et encore avant Hypnose, une des nouveautés de la semaine, la troisième, les Angevins de Entropy Zero et l'album Mind Machine A New Experience, et avec le morceau Brain Control Factory. Avouez que c'est très intéressant, hein, au niveau ambiance, c'est très réussi, voilà. Mais maintenant, vous avez peut-être envie de réécouter du pur métal, et là, ce qui va suivre, donc la quatrième nouveauté de la soirée, et ben, ça, pour faire plus métal, c'est pas possible. C'est encore un groupe culte aussi qui nous revient après 7 ans d'absence, c'est la légende britannique Angel Witch. Angel Witch, le mal-aimé de la New Wave of British Heavy Metal, le groupe pourtant prometteur, qui avait sorti un premier album en 1980, vraiment exemplaire, et après, qui n'a cessé de décevoir et de sombrer, et qui est revenu récemment, enfin, récemment, il y a de ça 7 ans, en 2012, avec un album qui était vraiment magnifique, As Above, So Below. D'ailleurs, on avait passé pas mal d'extraits à l'époque. Et là, fin octobre, Angel Witch a sorti un nouvel album qui s'appelle Angel of Light. Et on reste toujours dans ce style typique du début des années 80, ces petits riffs secs, tout ça, mais avec un son plus actuel, et ça reste toujours aussi bon. On a envie de découvrir maintenant, j'imagine. Eh ben, Don't Turn Your Back, ça va être le morceau de ce soir. We'll be right back. derniers échos de Noël. Oui, je sais, on est début janvier, mais bon, c'est vrai qu'on a encore des derniers relents. Avec cette reprise plutôt métal de Rob Halford, de ce classique de chant de Noël, God Rest Ye Merry Gentlemen, donc extrait de son album Celestial qui est sorti mi-octobre et juste avant donc une des nouveautés de la soirée, la quatrième, pareil sorti à peu près à la même époque mais que j'ai juste de me procurer, le dernier album de Angel Witch, Angel of Light, et c'était le morceau Don't Turn Your Back, pur métal ça, y a pas à dire. Ben, puisqu'on parle de Noël, eh ben, on va se plonger, et c'est toujours le moment de se plonger un petit peu dans la mélancolie, un petit peu, et ben, y a un groupe pour ça qui est parfait, c'est Marillion. Marillion qui est revenu avec une réinterprétation de quelques morceaux avec un orchestre et qui a eu l'occasion de jouer à Paris à la salle Playel, ça devait être vraiment magnifique. Extrait donc de l'album With Friends from the Orchestra, déjà un morceau qu'on espère qui est vraiment sublime déjà sans orchestre, mais alors là ça rajoute encore plus à l'émotion. C'est le fameux Season's End, extrait donc de l'album du même nom qui était sorti en 1989. Donc là, extrait de With Friends from the Orchestra. Que dire ? Season's End, extrait donc de l'album With Friends from the Orchestra Marillion, toujours aussi magnifique, n'est-ce pas ? Bon, après ça, je pense qu'on a besoin de se passer un petit peu de choses un petit peu plus péchues. Et pour ça, on va se faire une petite nouveauté qui nous vient de Hongrie, avec le premier album d'un groupe qui s'appelle Continuum. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner sur eux parce que, bah, ce que j'ai vu, c'était écrit en hongrois et, bah, comme je vous l'ai dit, le hongrois et moi, ça fait 15. De tout ce que je sais, c'est que c'est leur premier album qui est, il est sorti il y a presque un an. Voilà, il s'appelle Not My War. Alors sinon musicalement c'est du métal moderne entre métal alternatif, hard rock, un peu tout ça, et il y a de très bonnes choses. Comme je l'ai dit, l'album s'appelle Not My War, et ben pourquoi faire compliqué, on va se passer le morceau Not My War. It's not my war, don't wanna blood of his chaos, oh no. All of the damage has been done. We need this to overcome. Don't give it to the pressure of the violence. Don't be silent, fight it. I can't believe what's right before my eyes. The world is dying. It's not La sixième et dernière nouveauté de la soirée, voilà, c'était donc les Nancéens de Stubora et leur cinquième album qui s'appelle Horizon Noir. Et vous avez eu droit à le morceau Ténèbres éternelles. Des choses très intéressantes là-dessus, n'est-ce pas? Juste avant, c'était une nouveauté encore, la cinquième de la soirée. Venue de Hongrie, c'était le groupe Continuum et son premier album Not My War. Extrait donc de l'album du même nom. Et il est déjà 20h34 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bah oui, Electric Shock est là jusqu'à 21h, voire même un petit peu au-delà quand même. C'est la première de l'année, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Donc ouais, on va peut-être faire un petit peu une Electric Shock XXL, donc restez bien branchés parce qu'il y a encore des choses très intéressantes. Bah tiens, par exemple, on va revenir à la réédition de Maniaro de Roadkill, qui est ressortie sous le titre Roadkill Tapes and Rarities, qui contenait donc... un remix complètement différent du live qui était sorti il y a un peu plus de 30 ans. Et là, on va plutôt se pencher sur la partie rareté, puisque sur le deuxième CD contient en fait des morceaux inédits, des démos, des répétitions, des lives, etc., plein de choses. Donc la qualité sonore n'est pas toujours au rendez-vous, mais par contre, c'est intéressant de voir ce que pouvaient donner ces morceaux qui auraient peut-être mérité un meilleur traitement. Par exemple, bah tiens, on va se faire un morceau qui n'a pas de nom, tout simplement. Donc c'était justement, on sait que ça a été enregistré lors d'une répète entre 87 et 88, donc c'est une unreleased song, donc extrait de ce... C'est cet album posthume et en même temps, on va dire, souvenir, voilà. Allez, on s'envoie ça maintenant. Donc, je m'excuse pour la qualité sonore parce que, bon, c'est une répète, donc ça n'aurait jamais été destiné à être sorti récemment. Donc, un document pour tous les fans de Mania Road. Mania Road avec un morceau inédit qui n'a pas de nom d'ailleurs, puisque c'est un unreleased song, extrait donc du Live Plus Rarities Roadkill Tapes and Rarities, sorti au mois d'octobre. On se fait un peu de péchu maintenant. Bah tiens, si on revenait au live de Slayer, au live soi-disant testament de la légende américaine, eh ben on va revenir donc sur The Repentless Killogy. Bon, malheureusement, par contre, le penchant vidéo n'existe qu'en Blu-ray, donc c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Juste avant le concert, vous avez droit à un petit snuff movie. Pas mal du tout avec, si vous aimez bien les films genre Kill Bill ou bien gore, vous n'allez pas être déçu du voyage. On va se faire les deux petits classiques de Slayer, bien sûr. Tout d'abord, Chemical Warfare. Top, je me suis trompé de la programmation, et oui, ça arrive des fois. Le voici, Chemical Warfare. in my spirit, stupid and bold. Stupid and retardless of hell. She is commanding the gates of blame. Shaking with eager demand. Gods of the film must be watching from hell. Waiting around to decide. Searching to be lifted by a spell. Bodies like a wind of life. Arousing the souls of the land to be felt. Demons are ready to die. Nothing to see with his sleeping souls. Life! Chemical warfare! Warfare! Qu'est-ce que c'est bon, sans s'en lasse pas, hein. Angel of Death et juste avant Chemical Warfare, donc deux extraits du fabuleux live The Repentless Kilogy, live at the Forum in Inglewood de California, de Slayer. Et bien maintenant, je vous invite un petit peu à faire un petit voyage avec Faraway, le groupe de la région parisienne que vous connaissez, puisqu'on en a passé déjà quelques extraits de leur premier album depuis le début décembre. Et on va faire un petit tour dans la poussière et le soleil, puisque le morceau c'est Dust and Sun. Thank you. Far Away avec Dust and Sun, extrait de l'album Viare. Voilà, donc normalement il est 21h déjà, donc ce devrait être la fin du voyage sur Radio Arc-en-Ciel d'Electric Shock. Mais comme je vous l'ai dit, ce soir c'est la première de l'année, et comme ça faisait un bon moment qu'on s'était pas retrouvé, eh bien vous avez bien mérité un petit peu de rab quand même. Donc on va continuer le voyage, et pour ça on va faire un petit tour en Tunisie où on va retrouver Mirat à Carthage et se faire un petit extrait de leur CD-DVD qui est sorti donc là au mois de décembre, et on va s'envoyer Get Your Freedom Back. Get Your Freedom Back. Got your freedom. I'm just an ego, got a window for man. I'm gravitating, turning and revolving. I cannot fight you, flee from your light. Time, the joy is high. The Silence et Get Your Freedom Back, donc deux extraits du CD DVD Live in Carthage de Miras. Alors attention, dépêchez-vous de vous le procurer si vous êtes fan, parce que ça va devenir un collector limité à 2000 exemplaires simplement. Voilà. De Carthage à Rome, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir avec Deep Purple et son dernier live in Rome 2013, sorti au début décembre. Et Deep Purple, ils sont une des têtes d'affiche du Hellfest au mois de juin, et ils seront également à la scène musicale ce même mois, le 30 juin je crois, à Paris, voilà, et puis en tournée au mois de juillet dans toute la France, donc à suivre. Donc sur ce concert de Rome figurent les classiques bien évidemment, et aussi des morceaux plus rarement entendus en live, comme par exemple ce morceau de In Rock, Hard Lovin' Man, qui sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Hard Lovin' Man, donc Deep Purple, extrait du Live in Rome 2013. Ben voilà, ce sera le dernier morceau de cet Electric Shock XXL ce soir. Ben oui, c'est la première de l'année quand même, ça le valait bien. Eh bien, merci d'avoir été une fois de plus fidèle à ce rendez-vous, qui j'espère vous a plu et que vous avez fait des découvertes. Et puis ben, sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours, à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien évidemment. Eh bien, encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2020. Eh bien, et puis, cette semaine, écoutez plein de métal, bien sûr, et Radio Arc-en-Ciel. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures métalliques. Salut à tous!